qui a à peu près convaincu qu'on aurait du mal à garder l'Algérie département français. On avait accumulé trop d'erreurs et surtout trop d'incompréhensions des communautés qui vivaient là-bas.